17-32, activation orale, forme de l'imparfait. Répondez selon l'exemple. Vous entendez par exemple... Oh, vous étiez à Saint-Tropez l'année dernière? Et vous répondez... Non, je n'étais pas à Saint-Tropez. 2. Est-ce que vous étiez en France l'année dernière? Non, je n'étais pas en France. 3. Est-ce que Robert était en France l'année dernière? Non, il n'était pas en France. 4. Est-ce que vous connaissiez Mireille l'année dernière? Non, je ne connaissais pas Mireille. 5. Et Robert, est-ce qu'il connaissait Mireille l'année dernière? Non, il ne connaissait pas Mireille. 6. Est-ce que il était à l'université l'année dernière? Non, il n'était pas à l'université. 7. Est-ce que vous étudiez le français l'année dernière? Non, je n'étudiais pas le français. 8. Est-ce que vous saviez beaucoup de français l'année dernière? Non, je ne savais pas beaucoup de français. 9. Est-ce que vous faisiez du russe l'année dernière? Non, je ne faisais pas de russe. 10. Est-ce que vous étiez marié l'année dernière? Non, je n'étais pas marié. 11. Est-ce que nous étions en France l'année dernière? Non, nous n'étions pas en France. 12. Est-ce que nous connaissions Mireille l'année dernière? Non, nous ne connaissions pas Mireille. 13. Est-ce que Robert et Mireille étaient à Saint-Tropez l'année dernière? Non, ils n'étaient pas à Saint-Tropez. 14. Est-ce que Robert et Mireille se connaissaient l'année dernière? Non, ils ne se connaissaient pas.